Tonight, we come together, bound by our faith, with genuine respect, and inheriting the legacy of a great party. This is not a perfect party. We are not a perfect people. Yet we are called to a perfect mission. Bonjour à tous et à tous. Comment ça va? Bien, j'espère, chez vous. Je dis bonjour à tous les êtres humains, tous les êtres vivants. Moi, je suis plutôt encore plus inclusive. Toutes les choses, tout ce qui vit, tout ce qui bat, tout ce qui meurt aussi. Et même la pierre, apparemment, c'est un minéral qui serait vivant. Enfin, c'est fou, hein. Puisque nous sommes tous issus de la classification de Mendeleïev. Bon, bref, j'arrête mes bêtises, qui sont quand même sincères. Et, effectivement, bref. Alors, aujourd'hui, une émission de la boîte à bordel qui commence bien, comme d'hab. Je vais vous faire une petite sélection, cette fois-ci, pas forcément sur un label, parce que c'est le mois de juin, et au mois de juin, moi j'ai l'impression que c'est les vacances, et je repense à ces moments quand j'étais à l'école primaire, où on avait on faisait des récréations à n'en plus finir, et on n'avait plus cours vraiment, on jouait aux jeux de société, on jouait à l'élastique, on faisait des trucs voilà, qui étaient détente, quoi. Et du coup, je me suis dit, oh, allez, vas-y, mois de juin... On en fume, non, on verra bien. Enfin, bref, et donc c'était une petite émission qui va être axée sur les nouveautés que j'ai bien cherchées ces derniers temps et sur les nouveautés que j'ai jamais pu passer et sur des artistes qui voilà, peuvent aussi avoir de temps en temps une place dans les écoutilles. Et... j'écoutais une interview de Haroun, un humoriste qui était interviewé sur une émission qui s'appelait Thinkerview. Et ça m'a fait marrer qu'il ait émis cette critique sur le fait que dans le contenu culturel, on n'a pas assez de temps d'analyser, de digérer les choses. Enfin, c'est pas le seul à le dire, mais là... ça m'est revenu en pleine figure. Je me suis dit, c'est pas grave de remettre des choses qui dans le flot de toute la créativité qui nous est proposée n'est pas forcément écoutée au moins une fois, et c'est bien dommage, alors qu'on nous rabat les oreilles avec des horreurs qui sont déstructurantes pour nos cellules en l'occurrence. Et j'ai trouvé marrant c'est ce qu'il avait analysé par rapport à McDonald's qui avait choisi comme espèce de publicité comme As You Are qui venait comme vous voulez, mais en fait ça vient de Nirvana à la base. Et, c'est vrai que ça m'a fait marrer, je me suis dit c'est vrai qu'ils ont osé utiliser comme As You Are de Nirvana du mouvement grunge, le gars qui était héroïnomane totalement défoncé. Voilà, venez comme vous êtes chez McDonald's. Il y avait un petit décalage entre guillemets entre l'image que McDonald's voulait renvoyer et donc le titre de la chanson de Nirvana. Enfin, bref, j'ai trouvé ça rigolo. J'étais là, j'ai applaudi derrière ma télé en disant mais oui, tout à fait. Il a tout à fait raison, Haroun. Ouais, Haroun, comme Haroun Taziev. Bon bref, alors on va aller explorer sur cette boîte à bordel. Je vais vous passer un peu tout comme ça, après on fera la sélection. Alors il y a Zao de Zagazan que j'ai voulu absolument mettre en premier. Et j'ai trouvé fabuleuse à sa prestation à Cannes. Bon, peut-être que pour certains c'est surfait, etc. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir une artiste comme ça passer enfin dans les médias mainstream, entre guillemets. Et voilà, elle a l'air complètement encore dans son côté naturel. Et cette hypersensibilité, comme elle disait, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai pleuré tellement, c'était beau ce moment où elle se déchausse avant de monter sur la scène des Césars et cette façon qu'elle avait de chanter, de poser ses mots, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment d'une telle beauté quand on sait que bon... Il y a quelques années, elle était inconnue du grand public et elle tournait dans les radios associatives. Donc, les radios associatives ont bien leur place pour ce genre d'artiste. Et elle jouait dans des EHPAD pour divertir les personnes âgées. Et elle était bien contente de le faire. Je trouvais que c'était une belle personne à présenter. Même si elle a peut-être plus besoin de radio associative pour faire sa promo, mais bon, voilà. Après, il y avait le Vasco, qui était un groupe qui venait de Paris, qui avait sorti en 2017 un album qui s'appelait La Transe des Oiseaux, questionnement sur la virtualité le monde virtuel, du moins, et les visions de ce qu'ils ont pu analyser dans le passé, dans le futur. Donc, une musique assez intéressante aussi. Il y a Anarchia, c'est un producteur de Cherbourg qui a sorti un album qui s'appelle 1984 en mars 2024 dernier. Et ensuite, il y a un groupe que j'avais pas présenté quand j'avais présenté un label où j'avais surtout présenté Dead Fader. Et là, c'est Foster Care, qui veut dire enfant. Centre de placement pour enfants temporairement là, voilà, et je trouvais que c'était intéressant ce morceau là qui s'appelle Queen. Dans son commentaire, je trouvais assez drôle, il disait merci Satan, merci maman et merci papa, voilà. Ça, c'était sorti en 2011. Assez parlé, c'est le bordel, hein, mais après c'est bien structuré, heureusement, musicalement, heureusement que la musique c'est des maths et que tout est cadré, hein, c'est bien pratique. Ouais. Alors on va s'écouter suffisamment de Zao de Zagazan. Ouais, moi je fais des inversions de lettres, ça s'appelle de la dyslexie, voilà, comme certaines personnes qui veulent aller trop vite. Bon, allez, bonne émission. Ouais, j'espère que je vais vous faire un peu planer pendant 2 heures encore, 20h39. Je crois que j'ai beaucoup trop parlé, c'est pas grave. Suffisamment de Zao, de Zagazan. Passionnément, tu m'aimes suffisamment pour que je reste. Mais pourquoi je reste? Sûrement parce que je t'aime. Passionnément, tu m'aimes suffisamment pour que je reste. Mais pourquoi je reste? L'amour est tel que l'on pardonne tout. Personne de nous n'est fou. Si ce n'est d'amour, on entend voix, on ne veut pas. Non, je ne suis pas aveugle, je ne veux juste pas voir. Laissez-moi y croire. Laissez-moi pleurer. Tout ça parce que je t'aime. Passionnément, tu m'aimes suffisamment pour que je reste. Mais pourquoi je reste? destin, mais parce que moi je t'aime. Passionnément, tu m'aimes suffisamment pour que je reste. Pourquoi je reste? Un jour peut-être tu m'aimeras à la folie comme je t'aime toi. Un jour peut-être tu m'aimeras. Un jour, peut-être, mais pour l'instant, moi je t'aime passionnément et toi tu m'aimes suffisamment pour que je reste. Alors pour toi je reste. Words in my memoirs. let's do it. So we did it once over. I'm like, okay, let's do it. So we did it once over. I'm like, okay, it's over. I'm like, okay, it's over. I'm like, okay, it's over. I'm like, okay. Non, pas tout à fait encore. Et pas... Ça, c'est le morceau d'après, c'est pas bien, parce que y a une fin, et après, il y a un début, alors il faut aller dans l'ordre. Donc là, on vient de s'entendre Foster Care, qui était sorti sur le label Robot Elephant Records, il y a quelques temps, je ne sais pas si vous suivez les émissions, et donc c'était en 2011. Voilà, le morceau s'appelait Queen. Je trouve que vraiment il a une pêche. Je sais pas pourquoi, je suis passée à côté. J'ai réécouté des trucs et Juste avant, c'était Anarchia, français, hein, qui est de Cherbourg, qui a sorti donc en mars 2024 ce morceau qui s'appelle 1984 sur l'album, enfin c'est un single en 1984 qui est aussi éponyme donc. Et dans les commentaires il a marqué évidemment la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force. George Orwell, 1984. Donc juste avant, on avait le Vasco, donc un groupe basé à Paris, avec le morceau Love the Ghost sur l'album La Transe des Oiseaux. On n'entend plus trop parler, mais je trouvais qu'il y avait une belle énergie à l'époque, en 2017. Ils avaient été sélectionnés Printemps de Bourges. Enfin, en tout cas, ouais, il y avait du potentiel entre guillemets sur ce band. Qui est, c'est dommage. Enfin, après, voilà, il y a tout. Ça va, ça vient, comme le dirait Jacques Chirac pour les sondages. Parce que oui, tout à l'heure, je disais à Chloé de l'émission de la CNT juste avant, c'est horrible, Jordan Bardella est à 30% d'intention des votes pour les élections européennes. Quel horreur. Enfin, voilà, 5% Marine Le Pen. Enfin, j'hallucine, quoi. 30% Jordan Bardella, quoi. Pff, c'est... Au secours. Et voilà. Et juste avant, donc le premier morceau, c'était Zao de Zagazan avec le morceau Suffisamment. C'était pas le dernier. Mais ouais, je trouvais. Après, tout est discutable, bien sûr, mais je trouve qu'il y a des commentaires par rapport à voilà, ce qu'elle propose qui sont vraiment déplorables. Et, voilà, quand on est hypersensible, c'est vrai que c'est, je trouve que. Ouais, de se battre comme elle le fait et de continuer à avoir la rage au ventre. Elle est super bien entourée, je trouve que ça c'est génial. Elle a plein d'amis qu'elle a depuis le lycée, disait-elle. Et c'est vrai que c'est ça qui est certainement l'entourage hein, qui permet voilà, ce genre de personnalité de pouvoir s'épanouir dans un monde musical assez compliqué désormais. Voilà, voilà. On va poursuivre cette petite sélection. Alors, j'ai pas fait la présentation du label que j'aurais aimé, où il y a cet artiste en l'occurrence qui figure. C'était le label Bouticol. Je me suis dit, ouais, de mettre de la juke, de la ghetto-tech pendant une heure et demie. Bon, c'est jouable, hein, mais faut que la sélection respire, quoi. Sinon, ça peut être vite épuisant. Surtout que moi je suis assez sensible au bruit maintenant, c'est vrai que quand je vais en soirée, si c'est trop fort, si la musique est pas bonne et que c'est trop fort, je peux pas rester en fait, même avec des bouchons, c'est les bouchons je trouve que ça occulte trop, enfin voilà, si c'est bon, c'est bon, si c'est pas bon, non, ça résonne pas bien dans mes... Voilà. Même si je fais de la rééducation interne de mon oreille interne, parce qu'a priori j'ai des petits soucis à ce niveau-là, bon, je constate quand même malgré tout que... la musique qui est un peu trop agressive, je n'arrive plus à tolérer. Donc, même si moi j'ai du mal à la régler. Bon, bref, Raoul Duc, qui était un des cofondateurs du label, enfin, pas cofondateur, mais enfin, qui a participé, à, entre guillemets, avec toute la bande là, des Boutique Call, et qui a fait aussi un label qui s'appelait Deep Hop Panel. Puis d'autres, enfin bref. Et là, c'est un morceau qui est sorti sur l'album Nightmare Duke Squad. C'était en quelle année ça? Je l'ai même pas mis. 2010, quelque chose. Ouais, plus ou moins. Et le morceau, donc c'est des samples de Serge Gainsbourg, ça s'appelait Ravaged. Il aime bien faire du franglicisme. Voilà, donc Raoul Duc qui est un artiste qui vient du Havre à la base. Après du moins, on aura Apollo Noir, qui est bien parisien maintenant, Raoul Duc. Apollo Noir, lui, l'artiste que je vous avais déjà présenté sur le label Tiger Sushi, un artiste qui est auvergnat, basé à Vichy, et donc qui a sorti, là, en mai 2024, un album qui s'appelle Tech Noir, avec un morceau qui s'appelle Subway Chase. Après, il y a Actress... producteur anglais qui a pareil sorti en mai 2024 là un album qui s'appelle Static avec le morceau Dolphin Spray. Et juste avant je vais vous passer Enfin, je passerai à ce moment-là, quand je passerai, un morceau de Parquet. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, je regardais la programmation de dimanche sur la super fête de la musique qu'anime Radio Dieu actuellement, où il y a plein de lives qui sont diffusés. Et là, il y a un groupe qui s'appelle Super Parquet. Ça m'a fait marrer parce qu'il y a Parquet et Super Parquet. Et voilà, qui était diffusé donc à 14h. C'était une rediffusion des Transmusicales de 2016. Mais là, en l'occurrence, Parquet, qui en fait est un groupe formé entre guillemets par Seb Brun, que j'avais repéré dans une vidéo assez impressionnante où il fait un solo de batterie, mais il est en bidouille en même temps sur des pads en électro à faire des manipulations de son, de rajouter, enfin c'est toute une mélodie qui est développée. Et je vais vous passer donc alors un morceau de Parquet, parce que il fait partie, donc Seb Brun, d'un groupe donc, qui s'appelle Parquet. L'album s'appelle Sparkles, et le morceau en fait c'est un bonus track qui n'est pas sur Bandcamp, qui s'appelle Puppet. Et je vais vous passer c'est pas évident parce que il n'y a pas énormément de sorties. C'est un extrait d'un concert qu'il a fait donc c'était en Italie. C'était au Moult Festival, et on voit, en live, c'est assez impressionnant. Voilà, et je trouvais qu'il me faisait vachement penser à, je sais pas si vous connaissez Arthur Dubois sur Instagram, qui fait des packs batterie, mais avec des sons hyper bidouillés aussi, où il va tréfouiller avec de l'eau, avec tout un tas d'objets, etc., pour chercher des sons particuliers. Et vraiment, ouais, ça m'avait fait penser à cet artiste, Arthur Dubois. Et donc là, Seb Brun, en l'occurrence. Bon, alors, on commence par Raoul Duc, ravagé par les abus et par la vie. Par la vie. Oh, j'ai commis une faute irréparable. Il y avait un contresens qui me choquait. Alors je me mettais à pleurer. Bon, je pleurais. Non, je suis bien ici. Puis ça me donnait des audaces à l'horizontale. Je fantasmais sur le bord des trottoirs. Je me disais, voilà, je suis au bord d'un précipice et de... Gueule ravagée, mais bien ravagée, bien dans le sens propre du terme. Ravagée par les abus et

c'était parqué tout seul, un parqué flottant, et avec le morceau Puppet, donc un morceau bonus track sur leur album qui est sorti là, qui s'appelle Sparkles. Et juste avant, on a écouté Actress avec le morceau Dolphin Spray, une sortie aussi récente, Apollo Noir avant, avec le morceau Subway Chase, et enfin, avant, Raoul Duke avec le morceau Ravaged par les abus. Pardon, il avait coupé au début, puis c'est ma faute, j'ai pas remis au début le morceau. Oh, c'est pas grave, moi aussi je suis un peu ravagée par les abus et par la vie. Pardon. Enfin bref, je voulais vous passer donc le petit extrait YouTube, mais je me suis dit ça va faire long après. Si j'explique pas, ça va arriver. En plus, c'est un morceau. Enfin, ça dure 8 minutes, sa prestation scénique. Donc, ça s'appelle. Alors, je ne sais pas. Ça a des extrêmes, en fait, il n'y a pas vraiment de morceaux. C'était donc au Moult Festival, au Palazzo Candiotti Foligno, donc en Italie. Ah, si. Eh ben oui. Voilà. Thank you. pardon, je croyais que c'était un peu plus tard que ça exultait de joie. Mais ils sont très contents et j'espère que vous aussi, parce que ça retournerait à la cervelle d'un tuffeur, moi je dis, hein. Un peu quand même. Donc c'était Seb Brun, alias, je pense, Arker. Il est présenté comme ça. Donc c'est une vidéo sur YouTube que je vous ai présentée. Hein. C'était. Bon, alors le son est. Mais je trouve que franchement, ça dépote. Hein. Donc tout ça avec une batterie, des pads, des synthés, des modulateurs, tout ça là, qui essaie de modifier le son. Enfin, c'est assez chelou. Hein. Voilà. Donc, pour continuer dans cette boîte à bordel, il est 21h31 et je continue sur ma petite sélection. Alors, si vous arrivez là, c'est vrai qu'il se passe des choses, mais il va s'en passer encore. Alors là, je vais vous passer une artiste tunisienne, franco-tunisienne, qui s'appelle Azuti Walin, qui a fait un featuring avec un producteur qui s'appelle Hit. Alors, il n'y a pas de I, alors c'est Hut, c'est peut-être comme en turc, je ne sais pas. Et c'est aussi polyrythmique, très hypnotique. Je trouve que ça allait bien dans la suite de Seb Brun. Cette étiquette dub expérimental noise tribal. Assez beau. Après, dans les breakbeats, etc., il y a Music, alias Mike Paradines, qui a sorti là en mai 2024 un track qui s'appelle Windsor Safari Park. Et juste après, il y a Lego Velt, hein, que je vous avais aussi présenté, parce que Mike Paradines, j'avais présenté le label Mu. Zik, de Mu, et Lego Velt, je sais plus, j'en avais parlé, parce qu'il est, et oui, il était venu à Saint-Etienne, et j'avais fait une présentation, mais là, il a sorti un track qui s'appelle No One Wants to Buy My NFT, sur un album qui s'appelle The Sad Life of Instagram DJ. Alors, on va s'écouter ces trois petites choses rythmées, qui ont du sens, tout ça. Ouais. Azuti Walin. Ça ressemble au groupe de rock un peu, mais c'est pas du tout ça. Non. Tiwanirene, je ne sais jamais comment on le dit. We'll be right back. c'était Les Govelt avec le morceau No One Wants to Buy My NFT, sorti là récemment, le mois dernier, sur l'album The Sad Life of Instagram DJ. Instagram. Ouais, c'est mieux en un gramme d'Insta. Enfin, presque. Pardon. Avant, on avait musique. Alias Mike Paradinas avec le morceau Windsor Safari Park qui est pareillement sorti là ce mois dernier, et juste avant donc Azou Tiwalin, la productrice donc franco-tunisienne, avec le morceau Brain Rattled, qui est morceau single, voilà, qui est sorti ce mois dernier. On va continuer cette petite sélection avec Alexis Lumière. Un artiste de Rennes que j'ai découvert grâce à Le Roi Summer. J'ai trouvé qu'il était. Enfin, il passait de la. Enfin, ils étaient sur une même programmation au Vex Club, là, à Valence. Et donc, j'ai découvert cet artiste qui est assez branché, très 80, avec. Enfin voilà toute l'esthétique, c'est très drôle. Donc le morceau s'appelle Les Aventures du Terrain Vague, sur un album qui est sorti là en novembre 2023 qui s'appelle Greeny 90. Et c'est vrai que je sais pas si vous avez eu pendant votre enfance un terrain vague à proximité de chez vous. Moi ça m'a fait penser à un terrain vague qui était juste à côté de la maison où j'habitais. Voilà. Mon père était gardien d'école et comme là, dans le bâtiment dans lequel la radio est, qui était voilà, à côté de la maison où on vivait, qui était à peu près de la même taille que la radio actuellement, il y avait un terrain vague avec une maison qui était abandonnée. Et donc, on passait sur le grillage et avec une main sur une branche, on se tenait et à force, on écrasait le grillage et ça faisait une espèce de passage. Donc, c'était très drôle. Je me revoyais me cramponnant à cette branche et aller dans ce terrain vague et personne n'osait rentrer dans la maison. On pensait qu'elle était... elle a été abandonnée et un jour, il y a une démolisseuse... avec une grosse boule là, qui est venue tout casser à l'intérieur. Et c'est là qu'on a vu la maison éventrée avec toutes les pièces. C'est très drôle d'avoir voilà, tout le fantasme, la création de l'enfance et tout voilà, se démolir devant nos yeux. Et ensuite, ils ont créé un gymnase à la place de ce terrain vague. Avec un dojo, etc. Dans la ville où j'étais, qui s'appelait Cormontreuil. D'ailleurs, Cormontreuil, c'est le nouveau titre, le nouveau nom de groupe de MA, de ceux qui avaient créé le groupe The Bewitched Ends. Et donc, il y avait eu un autre groupe entre deux qui s'appelait Black Bones, pas Black Bones. Et là, ils ont sorti un groupe qui s'appelle MAO Cormontreuil. Ça m'a fait trop marrer. J'en ai pas passé encore, mais on verra bien. Avec Antonin, en l'occurrence, des Bewitched. Et un autre. Le batteur, c'est un des membres de. De groupe. Un groupe Rémois. Il y a aussi une chanteuse qui. Une ancienne des Bewitched. Voilà, donc on va s'écouter. Donc Alexis Lumière avec Les Aventures du Terrain Vague. Ouf, ouf, ouf. Ensuite, il y a Pro Home que j'ai découvert récemment. Belle découverte. Un Lyonnais qui est un poète qui raconte, déclame ses textes sur des sons un peu électro. Et là, en fait, en 2021, il a sorti un album qui s'appelle Brille pour toi. Enfin, Brille. Et le morceau s'appelle Brille pour toi. Et j'ai trouvé ça fabuleux comme morceau. voilà, comme démarche. Juste après, on va s'écouter La Vie Sauvage. Je vous en avais déjà parlé. C'était Alors, il y a quelques temps dans les découvertes, et en fait, là, c'était un morceau que j'avais jamais passé. Et c'était pour rebondir sur Brille pour toi, voilà, pour remonter un petit peu tout le monde dans son ego trip, mais pour se revaloriser, parce que parfois on a tendance un petit peu à s'enfoncer dans les méandres d'un gouffre infini abyssaux. Et c'était, je trouvais ça marrant, ce titre Fuck Myself Up, voilà. Mais d'une manière un peu sauvage, puisque le morceau s'appelle La Vie, enfin le groupe s'appelle La Vie Sauvage. Et ensuite, ce sera le morceau de 15 minutes que je vais vous passer là. Voilà. Donc, si après vous avez du temps à consacrer à une écoute longue, oh, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais voilà. Allez, les aventuriers du terrain vague, retour à Cormontreuil, enfin pour ma part. Oui. Thank you. va leur dire? Ah ouais, pardon, excuse-moi. Même pas capable de demander pardon comme il faut. On va les regarder comment? Par en dessous, comme des chiens qu'on accuse? Avec nos petites queues entre les jambes et nos petits yeux mouillés? Comment se justifier maintenant? On leur reproche de nous avoir observés sans rien dire? D'avoir tardé à nous accuser? Mais comment on va s'en sortir? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est rien à côté de ce que ça va devenir. Qu'on aura la chance de mourir quand eux auront encore des années à tirer dans la grande poubelle qu'on aura laissée. Il n'y a plus qu'à leur transmettre le courage qu'on n'aura pas eu, en leur montrant le plus beau du monde, dans l'art, dans la culture, dans la nature, dans l'humain. L'humain qui brille, brille pour moi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours. Brille pour moi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours. Brille pour moi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours. Écoute, je sais pas quoi te dire. Je fais au mieux, je fais pas pire. Je fais ce que je peux, je te fais rire. Je me dis que parler manque à beaucoup qui ne savent plus dire quand ils aiment et se sentent bien ou se sentent mal et ont besoin. Alors on parle et on partage. Je te montre le beau et quand c'est moche, quand c'est contre la vie, on en parle aussi. Et je te fais confiance, tu peux briller à ta mesure, pas plus, pas moins. Tu es ce que tu es et tu seras ce que tu es déjà. À défaut de paradis, je te laisse l'utopie, celle qui n'est pas, pas encore. Tu peux briller pour elle et commencer par ça. Tu le peux et tu le pourras. Et tu sais pourquoi? Parce que tu brilles déjà. Brille pour toi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours. Brille pour toi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours. Brille pour toi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours. Brille pour toi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours. Brille pour toi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours. Brille pour toi, toi, né d'un amour. Brille de courage, de foi, brille toujours. Myself, fuck. est 22h06 sur Radio Duo et vous êtes toujours dans la boîte à bordel. Et vous venez d'entendre un morceau de La Vie Sauvage qui s'appelle Fuck Myself Up. Juste avant, on a écouté Prohomme qui a composé donc un morceau qui s'appelle Brille pour toi. Donc c'est sorti en 2021. Juste avant, on a écouté Alexis Lumière avec le morceau Les Aventuriers du Terrain Vague sur un album qui est sorti donc en novembre 2023 qui s'appelait Grigny 90. Bon, alors, ce morceau, il y a de 15 minutes, 40 sites. Alors, pourquoi j'avais envie de passer ce morceau parce qu'en fait, je faisais des recherches comme ça en réécoutant. Donc c'est Flavien Berger, j'avais envie de passer le morceau Léviathan. C'était son premier album. Et en fait, justement, en fait, c'était le morceau où il y avait le morceau La Fête Noire, qui est assez connu. Donc c'est cet album qui est sorti en 2015. Et en fait, le Léviathan, je faisais des recherches comme ça. Je sais pas pourquoi. Des fois, je fais des recherches comme ça. Les TDAH bizarroïdes là, qui sont là sur Internet. Oh tiens, ça veut dire quoi ce mot et tout. Et du coup, j'essaie de comprendre. Donc le Léviathan, en fait, donc c'est un monstre marin qui est présent dans les trois livres des grandes religions et même avant, pré-judaïque, si on peut dire ça. Donc le Léviathan, c'est un espèce de crocodile dragon qui vit dans l'eau et en gros, il est cité souvent dans la destruction de Dieu à la fin des temps par donc les monstres révoltés. Alors c'est le Léviathan, on l'utilise un peu à toutes les sauces pour parler un peu du mal, de toutes ces choses un peu obscures hein, dans les différents courants religieux. En fait, je suis tombée sur un article qui indique que près de Gaza, donc il y a un site qui s'appelle le Léviathan, et c'est en fait en rapport avec, on sait pas trop le Léviathan, mais en tout cas, moi j'étais assez surprise parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par rapport à ce Léviathan. Donc près de Gaza, en fait, il y a des gisements de gaz qui ont été découverts. Je suis retombée sur un article dans le Courrier international et en fait ils expliquent que donc Israël a voulu récupérer la province pour pouvoir faire on sait pas trop, mais en tout cas ils voulaient récupérer pour pouvoir faire des gisements. Et les Palestiniens n'étaient pas tellement d'accord par rapport à la volonté qu'Israël exploite donc ces gisements, puisque c'est pas vraiment leur terre. Et on peut se questionner un petit peu de toutes ces guerres et tout ce conflit là sur la bande de Gaza, parce que finalement c'est des gisements qui ont été découverts assez récemment. Et on peut se questionner de ce conflit qui se presse un petit peu là récemment. Donc il y a des raisons qui sont évidemment économiques, hein. On ne va pas récupérer un bout de terrain pour rien, hein, forcément. Il y a aussi cette notion de... ça c'est à mettre avec beaucoup beaucoup de pincettes, que les terroristes qui seraient venus faire le massacre seraient des gens manipulés, des terroristes manipulés aussi, enfin voilà, qui seraient pas forcément des vrais musulmans. Voilà, je dis ça comme ça, mais voilà, il y a pas mal de sources qui vont dans ce sens-là. Donc on va s'écouter le morceau Léviathan, et je dis pas vive la fin des temps, mais en tout cas c'est assez curieux, voilà. Je trouvais le premier album de Flavien Berger, hein, le bon berger. Voilà, je retourne à ma petite page, excusez-moi, enfin, je voulais en parler, c'était important pour moi. 15 minutes, voilà, prenez le temps d'écouter les paroles et la musique et tout. Voilà, c'était Léviathan par Flavien Berger, un morceau très long qui s'étire et qui se termine ainsi que cette émission. Vous ai proposé cette petite sélection qui partait peut-être un peu dans tous les sens, mais enfin, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et le mois prochain, je ne sais pas trop ce qui se passera, on verra bien. Toujours est-il qu'un non n'est toujours pas un oui. Et profitez bien, j'espère, du beau temps. J'ai voulu vous passer un dernier morceau, mais j'avais plus assez de temps. Il s'appelait Sunflower Transmission, et c'est ce que j'ai envie de vous envoyer. Plein de sunflower dans votre cœur. Bonne soirée à tous, et à bientôt dans la boîte à bordel.